cloche qui sonne, elle annonce l'heure de vie à trépas. Une chose commence, elle se finit déjà. C'est comme vissé sur le poignet où trône un immense. On les voit passer à toute allure sous nos fenêtres. On les sent passer d'année en année. Quand on s'y attache, on ne s'en passe plus. Et quand elles nous lâchent, petite aiguille, ça tourne, tourne, lourde et sourde. À nos appels, à nos prières, on fait le tour du cadran et c'est reparti. Tic tac, les secondes s'égrènent devant moi. On n'y peut rien, la vie c'est comme ça. Se regarder lui et nous dans le blanc du temps, se dire un court instant, si Dieu le veut. Tout se lâche, tout s'efface.